Le ciel se cache dans un brouillard de phares et l'arbre ploie sous sa grande solitude. La lune passe sans qu'on puisse la voir. L'amour meurtri cache mal son inquiétude. L'amour meurtri cache mal son inquiétude. Quel est ce feu qui brûle en ma mémoire, qui me trahit et fait mon corps se fendre? L'arbre est tombé et a brisé le miroir. Le ciel se cache dans un brouillard de cendres. Le ciel se cache dans un brouillard de cendres. Ce soir il fait noir. Le ciel se cache. Ce soir il fait noir. Le ciel se cache. Ce soir il fait noir.